Nous faudra-t-il un autre millénaire, une nouvelle ère, une autre traversée du désert pour fabriquer ce monde dont on sera enfin fier. Pas un pas de plus n'a été fait malgré tous nos progrès. Il est vrai que nous n'en avons jamais été. Tout l'an 2000, rien de nouveau. Je dégrave toujours les cœurs croisés de Playtex. Je play sexe, toi tu PlayStation, play Sega. Mais c'est toujours plus fort que toi. Quand les playboys du web surfent sur internet, quête de conquête virtuelle, coït par satellite. 36-15, tu l'as. Tabata allonge le cache, puis zoom entre ses cuisses. Tes parents frémissent, c'est toujours plus saut. Mais quel pro, du doigt t'es sur clavier. Tu maîtrises le réseau porno, les pédophiles même ont leur réseau. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Les crevasses de la régression nous ont fait chuter. Dans la barbarie, la sauvagerie, l'ignominie. L'an 2000 n'est donc qu'une fumisterie, une vaste pétrerie. Mon dieu que je ris. J'ai 34 chaînes de télévision, 34 visions d'un monde en putréfaction, 34 visions de destruction, 34 visions d'extermination. En vain. Je rêve de l'éradication de toutes les maladies, comme la connerie, la pire des épidémies. Accro du luxe, nous sommes comme les hommes, autant des rois, hommes sans la couronne, armés d'Ericsson, de Motorola, gadgets modernes, qui donnent l'impression d'être à la page, qui donnent la sensation de prendre du large dans cette cage. Ah, c'est barge. Rien ne change vraiment à part les saisons. La nature subit, les forêts de béton font pression. Au nom des lois, j'accuse le progrès, coupable de ses faits, coupable de tous ces méfaits qui m'effraient. Arrive l'an 2-3-0. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Arrive l'an 2-3-0. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Arrive l'an 2-3-0. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Arrive l'an 2-3-0. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Un tissu de tromperie t'enveloppe l'esprit via le satellite. Ces parasites brutent à raison et personne ne flippe. Vision critique d'un univers soi-disant fantastique où le progrès m'efface dans un monde même technologique. Même l'atmosphère est polluée par les ailes des Airbus, Boeing, Caravelle, charter, bondé d'immigrés expulsés. Survolant des bidonvilles où le prix d'un seul billet coûte plus d'un an de salaire entier. Les progrès techniques larguent le progrès d'éthique de vie. Grâce au progrès, je trompe ma femme sans qu'elle me soupçonne. Désormais, ma maîtresse m'appelle sur mon téléphone portable. Impeccable. Organisation d'un infâme polygame, je gère mon agenda électronique avec le plus grand calme. Les vices d'hier sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui. L'hypocrisie teinte la perception de mon univers. Le deuxième millénaire et sa misère gère l'âme du délinquant primaire. Mon frère, pour l'an 2000, rien de nouveau. Arrive l'an 2000, rien de nouveau. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Arrive l'an 2000, rien de nouveau. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Arrive l'an 2000. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Arrive l'an 2000, rien de nouveau. Pour l'an 2000, rien de nouveau. CLG Adokaila. EDG Adokaila. Batatinegla. Prodigy Billy Bowser. Represent, baby. Gars, arrive l'an 2000. Pour l'an 2000. Pour l'an 2000, rien de nouveau. Gars, arrive l'an 2000. Pour l'an 2000, pour l'an 2000, rien de nouveau. L'an 2000, rien de nouveau. Pour l'an 2000, rien de nouveau. L'an 2000, rien de nouveau. Pour l'an 2000, rien de nouveau. L'an 2000, rien de nouveau. Pour l'an 2000, rien de nouveau.